Bon, demain, on part à 6h du matin. Oh, 6h ! Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et du coup, réveil à 4h. Oh, non. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, 5,50%. C'est le taux d'intérêt brut annuel pour toute première ouverture d'un livret plus pendant 4 mois. Fortunéo, j'aime ma banque. Offre valable jusqu'au 15 avril 2024 sur vos versements jusqu'à 100 000 euros, limité à un livret plus par personne majeure. Taux annuel brut contractuel de 2% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Autres conditions et fiscalité sur fortunéo.fr. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose des regards différents sur le premier conflit mondial. À Verdun, quand la forêt s'en va en guerre. Et à l'ombre des combats, avec Proust face à la guerre. Ce sont des femmes sur tous les fronts et des tirailleurs sénégalais pour des colonies mobilisées. D'ailleurs, comment gagner la guerre ? Par le djihad au service de l'Allemagne ou par l'économie afin de ruiner l'ennemi. La Grande Guerre, une histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Comment, en 1914, l'Allemagne a poussé l'Empire ottoman à lancer le djihad, la guerre sainte? Le 23 novembre 1914, le journal L'Intransigeant prévient « Les Allemands se moquent autant de Constantinople que de Cracovie ». Étranges alliés, la proclamation de la guerre sainte par le sultan, si elle est vraie comme le prétendent les Allemands, semble de peu d'effet. La guerre sainte, djihad, n'est en effet obligatoire pour les musulmans que lorsqu'elle est défensive, nous dit le journaliste. Pourquoi cette guerre sainte fut un échec? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le djihad? Anne-Marie Aidé, bonjour. Bonjour. Question simple, mais en réalité extrêmement complexe. Qu'est-ce que le djihad? La guerre sainte? Je crois que la meilleure façon de définir le djihad, c'est de revenir à l'étymologie du terme. Djihad renvoie à la racine arabe, c'est un terme arabe, jahada, qui implique une notion d'effort. C'est ainsi qu'on pourrait le traduire, et c'est ainsi d'ailleurs qu'il apparaît dans le Coran. C'est-à-dire un effort soutenu dans un but déterminé, et lorsque ce terme est suivi de l'expression « fi sabil Allah », c'est-à-dire « sur le chemin de Dieu », alors le djihad prend le sens de lutte, de combat pour Dieu, c'est-à-dire une guerre qui est voulue par Dieu, dont Dieu va aussi déterminer l'issue, et une guerre qui est destinée à étendre l'islam au plus grand nombre de territoires possibles. Voilà la définition la plus simple que l'on pourrait donner du djihad, mais je voudrais insister sur le fait que il n'y a pas un djihad, il n'y a pas le djihad, c'est-à-dire qu'on ne peut pas essentialiser ce djihad et qu'il y a finalement autant de djihad que de situations historiques, que de lieux, que d'époques, que de personnages de souverains ou d'hommes de religion qui ont voulu utiliser ce djihad en telle ou telle circonstance. Anne-Marie Aidé, à vous écouter, cet effort qu'évoque le djihad sur le chemin de Dieu, eh bien, ne correspond pas toujours en fait à la communauté, parce que l'effort sur le chemin de Dieu peut se jouer de manière individuelle. Chaque individu, chaque musulman est sur le chemin de Dieu. Donc le djihad, dès lors, peut prendre des dimensions particulières. Absolument. Alors là, vous mettez le doigt effectivement sur les sortes différentes de djihad. Parce que le djihad n'a pas été défini une fois pour toutes à l'époque du prophète ou dans les décennies qui ont suivi. Il a fallu plus de 200 ans pour que les premiers traités de djihad apparaissent et pour que l'on théorise en quelque sorte et que l'on édicte les règles de ce djihad. Et ça a été l'œuvre d'hommes de religion, de juristes qu'on appelle les oulémas, c'est-à-dire en fait les spécialistes des sciences religieuses. Et dans cette théorisation du djihad, on a distingué effectivement deux sortes de djihad, c'est-à-dire un djihad armé, le djihad qui mène à la guerre, et un djihad que l'on a appelé de manière significative, qui a été appelé le djihad al-akbar, c'est-à-dire le plus grand, le djihad majeur, c'est ainsi qu'on le traduit en général, et qui est celui auquel vous faisiez un peu allusion, c'est-à-dire c'est au fond une guerre qu'on mène contre soi, à l'intérieur de soi, pour essayer de s'améliorer, de lutter contre ses mauvais penchants et d'atteindre un certain niveau spirituel. Il y a ce djihad intérieur qui est passionnant en fait, hein, parce que là nous sommes en écho avec toutes ces religions, changer l'homme, se changer soi-même, et puis il y a le djihad tel que nous l'entendons très souvent, qui est la guerre sainte. Et dans ce cas-là, et vous l'avez bien dit, Anne-Marie Aidé, c'est quelque chose qui doit être contextualisé. Et quand nous pensons au djihad en histoire, évidemment, nous pensons aux croisades. Que peut-on espérer de pauvres hommes déments qui traversent la terre et vont se battre pour un sépulcre vide ? Les guerriers de Saladin et les chevaliers de Richard ont tous une foi en commun, la chevalerie. Quand j'étais encore enfant, mon pays a été conquis par les croisés. Et j'avoue que j'ai éprouvé de l'admiration pour ces ennemis d'Occident, ces êtres étincelants qui marchaient au combat et à la mort avec une étrange pureté. J'ai étudié leur vie et leurs mœurs. J'ai appris à parler et à penser dans leur langage. Et en moi-même, j'ai adopté la chevalerie. Mais il y a pourtant un de vos principes qui me gêne et que j'ai toujours rejeté. Quel est-il ? Tu n'arriveras jamais à me rendre stupide de telle sorte que je fasse une déesse de la femme. Vous faites esclave, toute femme. Oh, épouse, esclave. Par la loi de Mahomet, ce point est épineux à débattre. Qu'avons-nous besoin du prophète de la Mecque dans une discussion sur la femme ? Oh, femme, je n'ai vu aucun de ces épouvantails à cheveux de paille que je voudrais avoir dans mon harem. Quoi ? Un extrait du film Richard, Cœur de Lion, un film de David Butler en 1954, qui reflète une toute autre pensée que celle des théologiens du temps des croisades. Anne-Marie Aidé, vous êtes historienne médiéviste, professeure émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. En quoi ce temps des croisades est important dans la mise en place du djihad, dans une réflexion autour de ce que doit être la guerre sainte ? Oui, alors je ne parlerai pas d'une mise en place du djihad à l'époque des croisades, parce que il s'est mis en place bien avant, mais effectivement, l'époque des croisades va en quelque sorte revivifier cette notion de djihad. Parce que le djihad n'a pas toujours été pratiqué de la même façon. Et on le retrouve essentiellement remis sur le devant de la scène, dans les zones frontalières, donc ceci depuis le début de l'islam, bien sûr pendant la période des grandes conquêtes, mais aussi après, notamment par exemple en Syrie du Nord vers le Xe siècle, lorsque l'Empire byzantin tente de reconquérir un certain nombre de territoires musulmans. Et on le retrouve donc justement au moment où le monde de l'islam, ce que l'on appelle le Dar el-Islam, la demeure de l'islam, se sent menacé, se sent attaqué de l'extérieur. C'est d'ailleurs ce que les juristes appellent le djihad défensif, par opposition au djihad offensif, qui serait celui qui partirait à la conquête de nouveaux territoires. Et l'époque des croisades est une époque où le territoire de l'islam est attaqué par les Francs. Donc ça commence en 1095 avec la prédication de la première croisade par Urbain II. Et à ce moment-là, les musulmans ne sont pas vraiment préparés à cette arrivée des croisés. Ils sont même surpris de voir arriver ces croisés qui ne savent pas trop comment définir. Est-ce des mercenaires au service de Byzance ou des guerriers qui cherchent à s'étendre dans cette région? Et donc au départ, le djihad a du mal à se revivifier en quelque sorte. Et il faut un certain nombre d'années et de prêches et d'efforts, notamment des oulémas. Encore eux, on voit le rôle en fait essentiel de ces oulémas dans la prédication du djihad, pour que cette notion, ce concept de djihad soit de nouveau mis sur le devant de la scène, que l'on rédige des traités de djihad pour inciter les musulmans à réagir à cette invasion des croisés. Et bien justement, Anne-Marie Aidé, vous êtes venue dans le cours de l'histoire avec sous le bras l'extrait d'un modèle de sermon qui incite au djihad. C'est un sermon qui est composé sous le règne de Saladin. Nous sommes donc au XIIe siècle. Loué soit Dieu qui a secouru sa religion par le djihad contre ses ennemis infidèles. et qui a appelé à lui l'élite choisie de ses pieux partisans, qui a élevé la vue du croyant pour lui permettre d'atteindre son aspiration au djihad, lui en a donné le pouvoir et le lui a facilité, au point que ce dernier a préféré la mort à la vie pour la satisfaction de Dieu et s'est décidé à mourir. Le croyant a acquis la certitude qu'il existe une vie dans le djihad grâce à ce que Dieu a solidement établi et façonné dans son cœur rassuré. L'extrait d'un sermon qui incite au djihad lu par Milena Elig, qui réalise également l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon. Ce petit texte-là, ce sermon est très intéressant parce qu'il se situe dans un contexte très particulier. Nous sommes sous le règne de Saladin, il y a les croisés qui menacent. Comment analysez-vous, Anne-Marie Aidé, ce type de texte? Il a quelle vocation? C'est donner du courage aux combattants? Oui, ce texte est intéressant parce que il souligne plusieurs choses. D'abord, il souligne à nouveau ce rôle essentiel des oulémas. Ce sont ces hommes de religion, spécialistes du Coran, spécialistes des traditions du prophète, spécialistes de droit surtout, beaucoup sont juristes, et qui vont soutenir les souverains dans leur effort justement de djihad pour repousser les croisés en l'occurrence. C'est la première chose. Moi, évidemment, ils y trouvent aussi leur intérêt parce que c'est une sorte de contrat entre eux et les souverains et ils en retirent ensuite des avantages. L'autre chose que l'on peut noter dans ce type de sermons, qui sont faits donc, qui sont des sermons pour être prononcés devant, en l'occurrence pour ce sermon-là, au milieu des combattants, c'est-à-dire que l'auteur du sermon dit qu'il écrit ce sermon pour que les prédicateurs puissent ensuite s'en inspirer pour parcourir les rangs des combattants et les stimuler leur ardeur et faire qu'ils se battent avec plus d'énergie. Et alors le sermon commence avec des références au Coran, avec le modèle du prophète, parce que il faut justement imiter le prophète et ses premiers combats. On notera d'ailleurs que les traités de djihad très souvent se fondent sur le Coran, mais aussi sur les hadiths, c'est-à-dire les faits et gestes du prophète, et sur les biographies qui ont été rédigées au 8e et parfois au 9e siècle du prophète, et sur le récit de ses expéditions. Et donc, ces sermons reprennent un petit peu tous ces éléments et insistent sur le fait que le djihad est en effet commandé par Dieu et qu'il apporte des récompenses, c'est-à-dire l'accès au paradis, parce que mourir, ce n'est pas vraiment mourir au combat, c'est renaître à une nouvelle vie, c'est renaître à la vie qui est promise par Dieu lorsque l'on meurt au djihad. Les oulémas, donc ces religieux, sont présents, ces juristes, hein, mais qui portent la parole de la religion, sont présents au cœur des armées. Et Gabriel Martinez-Gros, que nous avons reçu dans le cours de l'histoire, eh bien, nous expliquait que au moment du combat, c'était eux qui couraient les moins vite et qui se faisaient tuer assez rapidement par rapport aux soldats. Une émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Anne-Marie Aidé, il faut rappeler aussi, et c'est important pour bien comprendre ce que signifie le djihad, c'est que le clergé tel que nous l'entendons dans le monde du christianisme n'existe pas. Il n'y a pas de pape dans l'islam qui pourrait donner sa voix. C'est une toute autre réflexion. Dès lors, qui peut lancer le djihad ? Oui, il n'y a pas d'organisation semblable à l'Église, il n'y a pas de pape, il y a un calife, bien sûr. Le calife est celui qui détient en principe l'autorité spirituelle et politique et militaire. Mais puisque nous parlons du 12e et 13e siècle, à cette époque-là, le pouvoir du calife est beaucoup moins important que dans les premiers siècles de l'islam. Et surtout, il est morcelé, il y a plusieurs califats, notamment celui d'Égypte et celui de Bagdad. Et donc, ce n'est pas le calife qui va lancer l'appel à la croisade. Ce sont les souverains, les grands émirs, c'est-à-dire les grands officiers, les princes, ceux qu'on va appeler les sultans, qui sont directement concernés, qui sont en Syrie-Palestine, qui est la région qui est couverte essentiellement par les croisades, qui sont aussi dans le nord de la Mésopotamie, où s'étend aussi l'état de Franc d'Édesse. Et ce sont ces émirs-là, ces princes-là, qui vont se préoccuper de lancer le djihad, mais sous l'impulsion souvent de ces oulémas qui les encouragent, et en même temps les souverains voient dans le djihad un moyen pour eux d'une part d'unifier le monde musulman qui est très morcelé à cette époque, car leur argument c'est de dire pour mener le djihad et pour qu'il soit victorieux il faut que nous soyons unis, donc c'est une façon de dire unifiez-vous sous mon autorité, et c'est ce que vont faire un certain nombre de princes en Syrie, et notamment Saladin dont on a parlé, et donc c'est une façon de dire voilà, le djihad est nécessaire aussi pour repousser les Francs, mais pour cela il faut l'unité musulmane. Donc il y a un aspect politique également qui se dégage de ce développement du djihad. Saladin, dont vous avez écrit la biographie Anne-Marie Aidé, publiée chez Flammarion. Justement, dans cette histoire assez complexe, nous entendons que des princes peuvent lancer le djihad. Mais alors, sont-ils tous d'accord? Je vois bien dans ce monde musulman, arabo-musulman, qui est fractionné. Comment ça peut se passer si les princes ne sont pas contents, l'un lance le djihad, mais l'autre n'est pas d'accord? C'est bien complexe tout ça. Oui, mais l'histoire du Proche-Orient a toujours été très complexe, comme d'ailleurs beaucoup d'autres histoires. Mais bien sûr, il y a des rivalités entre les musulmans, et les Francs en ont profité. C'est bien pour ça qu'ils se sont installés avec autant de facilité, je dirais, aussi rapidement dans ce Proche-Orient. C'est parce que le monde musulman était morcelé. Alors, il serait trop long d'entrer dans tous les détails des divisions musulmanes de cette époque, mais ce que l'on peut dire, c'est que justement, le discours de ceux qui ont voulu en quelque sorte donner à ce djihad la plus grande ampleur, c'est-à-dire au XIIe siècle, des princes comme Saladin, mais aussi son prédécesseur Noureddin, ça a été de dire « il faut nous unifier ». Et ils y sont parvenus, puisqu'ils ont unifié la Syrie et sous le règne de Saladin, à la fin du règne de Noureddin et au début du règne de Saladin, ils ont réussi à unifier également, à rassembler l'Égypte, la Syrie et une grande partie de la Palestine pour pouvoir mieux lutter en effet contre les Francs. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, le djihad. Effectivement, on trouve dans le Coran l'ordre de massacrer les infidèles, mais l'on y recommande également la sagesse pour amener les hommes sur le sentier de Dieu. Après la mort de Mahomet, c'est la solution violente, celle de la propagation de l'islam par les armes, qui s'est finalement peu à peu imposée. Dans le Coran, la djihad est théoriquement considérée comme un devoir religieux. Elle est obligatoire contre les peuples voisins du territoire de l'islam. Ceux qui acceptent de se convertir accèdent alors aux mêmes droits que les musulmans. Les autres, les idolâtres surtout, pendant longtemps seront punis de mort. Plus tard, ils pourront s'acquitter d'une taxe de protection. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils paient leur tribut, dit encore le Coran au sujet de la djihad. Mahomet fit néanmoins la distinction entre les idolâtres et les gens du livre, chrétiens et juifs. Malgré leur abrogation par le Coran, il leur accordait, après soumission, le privilège de pouvoir exercer librement leur culte contre le paiement d'un impôt. En 1979, sur la première chaîne de la télévision française, il est question de la djihad. Mais des éléments sont intéressants dans ce que nous venons d'entendre. Anne-Marie Aidé. Oui, je voudrais en effet insister sur le fait que il y a évidemment dans le Coran des versets qui incitent au combat, à la lutte, nous l'avons dit, et qui promet aux combattants et à ceux qui meurent sur le champ de bataille des récompenses, des récompenses dans l'au-delà. Mais le Coran est un texte très complexe dont l'établissement a donné lieu à d'innombrables études et travaux. Et on trouve aussi dans le Coran différents degrés, je dirais, dans cette prescription du djihad. Des versets, certains versets sont beaucoup moins guerriers, je dirais, que ce que nous avons entendu. Par exemple, on peut citer l'un des versets de la sourate 25 qui dit « N'obéis donc pas aux infidèles et même et mène contre eux un combat au moyen de la prédication ». Donc, il y a des versets du Coran qui incitent plutôt à la patience, à au contrôle de soi, et non pas tant au combat contre les infidèles, mais plutôt à les convaincre, à la prédication. Mais il y a aussi des versets que nous connaissons et qui, notamment, disent qu'il faut combattre tous ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier. Ces différences dans les versets du Coran ont été analysées par les spécialistes comme et correspondant à différentes périodes de la vie du prophète. Lorsqu'il était à La Mecque ou lorsqu'il était à Médine, il n'a pas eu les mêmes attitudes face à la guerre, justement, contre ceux qui n'adhéraient pas à sa religion. Et donc, on a vu une évolution d'une attitude qui aurait été plus conciliante, plus patiente, vers une attitude ensuite beaucoup plus belliqueuse. Nous ne dirons jamais combien tous ces textes sont interprétés sans cesse. Ils doivent être compris dans le contexte. Absolument. Et d'ailleurs, sur cette longue histoire du djihad qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, eh bien, il y a cette période qui nous conduit à Bagdad. Mais à d'autres moments, le calife n'est plus à Bagdad, il se trouve à Constantinople. Petit tour à Constantinople. C'est à Istanbul, Constantinople, que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, Constantinople, que je l'ai trouvé un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul. Le muezzin chantait en haut d'un minaret et tout le long du Bosphore je faisais déjà des rêves d'or. Istanbul, la vie était belle, c'est à Istanbul, je me le rappelle, que mon cœur fut pris par les sortilèges de l'Asie. Je l'ai suivi dans la foule, un soir sous le beau ciel d'Istanbul. Mais en riant, elle me dit: comme vous, j'arrive droit de Paris. Istanbul, Constantinople, le bonheur est là, souvent à sa porte. C'est bien inutile d'aller le chercher, je le sais où. Istanbul, le temps vaut tout. L'amour est là tout près de vous. Istanbul. Nous l'avions beaucoup aimé, chanté par Dario Moreno, Istanbul, mais là c'est Jacques Elian et son orchestre dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Vudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Maïwen Guizhou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, Djihad. Et dans cette longue histoire du djihad, il y a ce moment très particulier. Jean-Yves Le Naour, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que cette histoire que, pendant la Première Guerre mondiale, le Kaiser, l'empereur d'Allemagne, veut lancer le djihad, pas lui directement, veut pousser au djihad? Eh bien, écoutez, c'est une histoire qui remonte déjà à bien avant 1914, puisque dès 1898, Guillaume II se rend en visite à Constantinople. C'est une visite, normalement c'est une petite étape sur le chemin de Jérusalem, où il doit faire un petit pèlerinage en Terre Sainte. Mais en réalité, il rencontre le sultan Abdulhamid II, et puis il lui propose cette incroyable alliance. En gros, en cas de guerre, vous lancerez le djihad, allions-nous, vous lancerez le djihad, ce qui devrait paralyser l'Empire britannique. On pense d'abord à l'Empire britannique, mais par ricochet, ça concerne également l'Empire français et l'Empire russe, hein, puisque dans l'Empire britannique, notamment aux Indes, il y a 100 millions de musulmans, donc qui pourraient se révolter. On pense aussi à l'Égypte, qui est essentielle avec le canal de Suez pour les communications britannique, de la marine britannique. Et puis, il y a aussi des musulmans en Asie centrale, en Russie, dans l'Empire russe, et puis, bien sûr, en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, le Maghreb, Maroc, et également en Afrique subsaharienne. Il y a à peu près 20 millions de musulmans dans l'Empire français, 20 millions dans l'Empire russe, et 100 millions à peu près dans l'Empire britannique. Donc voilà, ça c'est une arme formidable, si ça marche, ce djihad global. Donc en quelque sorte, Guillaume II va inventer l'idée du djihad global, que tous les musulmans se soulèvent contre les adversaires de l'Allemagne et les adversaires de l'Empire ottoman, évidemment. En 1898, Guillaume II est donc en visite à Constantinople, une visite qui se poursuit par un long voyage. Vous nous avez évoqué tout ce voyage, Jean-Yves Le Naour. Il visite la tombe de Saladin, d'ailleurs. Et oui. Anne-Marie Aidé, Saladin est resté dans les mémoires à ce moment-là, alors bien au-delà de ce monde arabo-musulman, turc aussi. Oui, tout à fait. Il visite la tombe de Saladin et il la restaure même, en effet. Donc, c'est montrer aussi là l'intérêt qu'il a porté à Saladin en tant que réunificateur de ce monde musulman. Jean-Yves Le Naour, vous êtes historien spécialiste de la Première Guerre mondiale et vous avez publié chez Perrin Djihad 14-18 au sujet de cette guerre sainte que Guillaume II imaginait comme la solution évidente pour que l'Allemagne gagne s'il y avait une guerre. Il n'est pas tout seul, évidemment, Guillaume II. Il y a des gens dans l'ombre, des personnages assez étonnants. Ah, vous pensez sans doute à Max von Oppenheim, qui est un lui. Peu le prophète du djihad. Alors c'est effectivement un aventurier, une sorte demi-espion, demi-archéologue. Il nous fait penser par certains côtés à Laurence d'Arabie. Et c'est quelqu'un qui a fait des fouilles en Syrie, qui a bourlingué au Machrek, au Maghreb, et qui s'est fixé en Égypte, où il mène une vie. D'ailleurs, il parle l'arabe, il est tout le temps habillé en arabe, il a même un harem. Donc vraiment, c'est vraiment... Il se fait même mal voir, hein, de la part de la Wilhelmstrasse, le ministère des Affaires étrangères allemand. Et c'est lui qui, dans ses rapports dès juillet 1898, il envoie de nombreux rapports à Berlin, qui préconise cette insurrection islamique, cette subversion islamique contre les puissances coloniales en cas de guerre européenne. Et Guillaume II, valider cette façon de voir. Au départ, Max von Oppenheim est un peu seul. Il est mal considéré, hein, par le gouvernement allemand, par les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, mais progressivement les militaires, von Moltke, le chef de l'armée allemande, lui aussi est convaincu, parce que tout ce qui peut paralyser la mobilisation de l'entente, hein, cette alliance entre la France, l'Angleterre et la Russie, est bon à prendre. Donc les militaires se rallient. Quelques fonctionnaires également, comme Arthur von Zimmermann, sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et en 1914, hein, vraiment, c'est un acte de foi. On est persuadé que si le djihad est lancé, il y aura une subversion totale. C'est-à-dire qu'il y a une erreur d'appréciation, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est une erreur d'appréciation énorme. On pense que le sultan calife de Constantinople est un pape qui sera obéi par tous les musulmans. Mais évidemment, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, le sultan lui-même le savait parfaitement. La menace du djihad était en fait un soft power. C'était une épée de Damoclès, mais elle ne valait que si cette épée, que si elle n'était pas décrochée. Et d'ailleurs, du point de vue de l'Empire ottoman, cet immense empire ottoman, centré sur la Turquie actuelle. Quelle est la réception de cette idée, alors aujourd'hui qui pourrait nous paraître saugrenue de placer cela dans la Première Guerre mondiale? Comment est-ce reçu? L'Empire ottoman est fragilisé déjà. Ah oui, il est énormément fragilisé depuis tout le 19e siècle, c'est le fameux homme malade de l'Europe. Et cet empire ottoman, il est encore en 1914, mais il l'était encore plus par le passé, multinational, multiconfessionnel. En 1800, il y a peut-être autant de chrétiens que de musulmans, mais c'est plus le cas. En 1875, on est déjà 66% de musulmans parce qu'ils ont perdu déjà des territoires, la Serbie, la Grèce, avec en 1877-1878, ils perdent la Bulgarie, la Roumanie, Chypre, et donc en 1880, les musulmans représentent 75%. Oui, c'est l'Empire ottoman devient de plus en plus musulman, et c'est à ce moment-là que l'idée d'une communauté religieuse s'impose de plus en plus. Mais on voit bien aussi que ça s'impose avec la faiblesse du pouvoir temporel. Tant que le sultan a été fort, tant qu'il a eu une autorité puissante, eh bien, il n'a jamais été question d'utiliser cette arme spirituelle. Elle faisait partie de la titulature des califes, des sultans depuis la conquête arabe, mais on n'en faisait pas état. C'est à partir du moment où ils sont faibles qu'on se rappelle qu'il y a un pouvoir spirituel. C'est parce que le pouvoir temporel est faible. En 1914, au mois de novembre, la guerre sainte est proclamée. Ceux qui prendront part à la guerre sainte pour le bonheur et le salut des croyants et en reviendront vivants, jouiront du bonheur. Quant à ceux qui y trouveront la mort, ils auront droit au titre de martyr. Conformément à la promesse divine, ceux qui se sacrifient pour la cause du droit auront la gloire et le bonheur ici-bas, le paradis là-haut. Ô musulmans, groupez-vous, solidaires et unis autour du trône impérial, conformément à l'ordre du Très-Haut qui nous a promis le bonheur dans ce monde et dans l'autre. Pressez d'une étreinte commune le socle du califat et sachez qu'en ce jour où notre État se trouve en guerre avec la Russie, la France, l'Angleterre et leurs alliés, ennemis mortels de l'islamisme, le commandeur des croyants, calife des musulmans, vous appelle à la guerre sainte. Combattants musulmans, avec l'aide de Dieu et l'assistance spirituelle du prophète, vous vaincrez et écraserez les ennemis de la religion. Et vous remplirez d'une joie éternelle le cœur des musulmans suivant la promesse divine. La proclamation de la guerre sainte en novembre 1914, lue par Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire. Anne-Marie Aidé, que vous évoque cette situation particulière? Oui, cette situation, alors je voudrais dire que ce que Jean-Yves Le Naour vient de dire sur l'instrumentalisation du djihad par un gouvernement en état de faiblesse rejoint aussi tout à fait la situation que nous avions au Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est quand un État ou un pouvoir a besoin de légitimer son pouvoir, et c'était le cas de Saladin, ça a été le cas plus tard du sultan Mamelouk Baybars, qui a reconquis un grand nombre de territoires sur les Francs, qui étaient tous les deux des usurpateurs en quelque sorte, et qui avaient besoin de légitimer leur pouvoir, et donc qui utilisaient le djihad comme instrument politique, évidemment, pour cette légitimation. On retrouve en fait toujours cette question de l'instrumentalisation du djihad. Et dans cette instrumentalisation, Anne-Marie Aidé, nous pourrions dire que le djihad est lancé quand ça va mal, c'est-à-dire que ce n'est pas un bon signe pour un pouvoir, alors quel qu'il soit, ou en tout cas une volonté réactionnaire que les choses ne bougent pas. Lancer le djihad, c'est en réalité aller à contre-courant de ce qui se passe même dans ce monde arabo-musulman. Oui, alors peut-être que là aussi, ça dépend des périodes, ça dépend du type du djihad qui est lancé, quand c'est un djihad offensif ou au contraire quand c'est un djihad défensif. Mais effectivement, en fait, là, disons que l'aspect religieux du djihad est intimement lié à des intérêts politiques et militaires. Jean-Yves Le Naour, justement, à ce moment-là, 1914, la situation mondiale est intéressante pour essayer de comprendre pourquoi le calife, qui est en même temps sultan, proclame le djihad? Nous sommes dans une phase de colonisation intense. Alors, une phase de colonisation intense, effectivement, c'est l'Empire ottoman, c'est la seule puissance musulmane véritablement indépendante, avec l'émir, avec l'Afghanistan tout de même, qui a résisté à la colonisation britannique, avec la fameuse victoire de 1842. Il faut voir que pour l'Empire ottoman, qui à l'époque est gouverné par les jeunes turcs, qui ne sont pas croyants, qui sont des mécréants, qui sont plutôt francophiles, enfin bon bref, ça, on voit bien que le djihad, c'est une arme tout à fait cynique, ils n'y croient pas vraiment. Simplement, la guerre de 14 pour l'Empire ottoman, c'est la possibilité d'une régénération. Imaginez que l'Allemagne gagne la guerre contre ce qui était possible, contre la France, contre la Grande-Bretagne, contre la Russie. Eh bien, l'Empire ottoman aurait pu faire la conquête du Caucase. Il aurait pu faire la conquête de l'Asie centrale. Et ça aurait été le rêve panturc, le rêve pantourien qui se serait réalisé, puisque il serait allé jusqu'aux confins de la Chine, du Turkestan chinois, de la Mongolie. C'est la régénération véritablement de l'Empire ottoman qui est en jeu, ou bien sa lente désagrégation à l'œuvre et sa disparition, ce qui aura lieu évidemment avec la défaite, ou bien sa régénération avec également la reconquête de l'Égypte, de la Libye, de la Tunisie, peut-être de l'Algérie. Donc on voit bien que de la Première Guerre mondiale, eh bien, dépend la survie ou la mort de cet empire. Et puis proclamer le djihad, c'est aussi intéressant, dans l'espoir que certaines populations, et je pense notamment à toute l'Afrique du Nord colonisée, eh bien, vont adhérer à la guerre sainte dans l'espoir de s'affranchir de cette colonisation. Oui, alors ça, c'est effectivement l'idée que le combat religieux va épouser le combat national et vice-versa. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce sera la grande désillusion des Allemands, d'abord, parce que les jeunes Turcs se faisaient moins d'illusions là-dessus, mais une grande désillusion, en fait, les populations sont restées loyales, en réalité plus attentistes que loyales, mais vous avez tout un tas de proclamations de fidélité de tous les notables d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, dans la presse. Or, du Maroc, assez peu, en réalité, parce que le Maroc, ils ont leur propre sultan, le roi du Maroc, commandeur des croyants, descendant lui aussi du prophète, donc le sultan de Constantinople, il s'en moque pas mal. Donc ça a échoué complètement. D'ailleurs, juste une preuve de cette fidélité et de cet échec, c'est que il y a eu 173 000 engagés et conscrits algériens musulmans dans l'armée française, 80 000 tunisiens et 40 000 marocains qui sont venus combattre en France dans l'armée française. Donc ça, c'est vraiment vraiment l'incompréhension totale pour les Allemands. C'est très important ce que vous dites là, parce que Jean-Yves Le Naour, à ce moment-là, quand la guerre sainte est proclamée par le calife, les musulmans du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, font le choix de leur religion, toujours, mais associés à la nation, et non pas le choix d'une guerre qui réunirait tous les musulmans. C'est ça, c'est-à-dire que les Allemands ont fait des erreurs d'appréciation énormes, c'est-à-dire qu'ils ont perçu le calife comme un pape de l'islam, et ils ont perçu aussi les musulmans comme tous fanatiques. Il y a vraiment cette idée que les musulmans sont tous des fanatiques, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton du djihad, et hop, ils vont sortir le cimetière. Et donc il va y avoir cette grande déception, parce qu'effectivement, la religion n'est pas le seul élément structurant de l'identité. Il y a la communauté, il y a la nation, la proto-nation, il y a le roi du Maroc, il y a aussi la France, parce que figurez-vous que entre l'Allemagne et la France, parce que là il y a aussi toute la propagande française qui montre que l'Allemagne brutale envahit la Belgique, a fait des tas d'atrocités. Le camp du bien, c'est la France. Le camp de la civilisation, c'est la France. Et Allah est forcément du côté du bien et de la civilisation. Il peut pas être du côté du mal, de la violence et de la barbarie. Donc, si vous voulez, il y a cette phrase en anglais, "Better the devil you know". Il vaut mieux le diable que tu connais que le diable que tu ne connais pas. Et il y a cette idée en Afrique du Nord que si la France est vaincue, c'est l'Allemagne qui la remplacera. Et nous serons sous l'autorité des Allemands. À tout prendre, mieux vaut rester sous l'autorité des Français paternalistes que des Allemands racistes. Très efficace propagande française. Si le sultan est avec l'Allemagne, Allah, lui, qui est un esprit de paix et de fraternité, est avec la France, l'Angleterre et l'héroïque Belgique, qui combattent pour la libération du genre humain tout entier. « Voilà, c'est clair, hein, Gustave Hervé dans La guerre sociale en novembre 1914. Nous sommes du côté du bien et donc l'Allemagne est l'ennemi. Cette guerre sainte ne peut pas tenir. Jean-Yves Le Naour, l'échec est évident, bah, nous le voyons hein, factuellement. Y a-t-il eu des effets de cet appel à la guerre sainte? Certains ont-ils vraiment pris les armes? Alors, il y a eu des effets très locaux, mais quand on regarde de près, en réalité, ce sont des luttes nationales plus que, des luttes qui seraient provoquées par cet appel au djihad. Alors, par exemple, il y a eu il y avait déjà au Maroc, le Maroc n'était pas totalement soumis. Le protectorat existe depuis 1912, il y a encore tout un tas de régions berbères, dans l'Atlas notamment, qui ne sont pas soumises. Les Allemands ont tenté d'organiser ces tribus. Ça a été impossible parce qu'il fallait trouver un chef unique, un chef commun. C'était absolument impossible. De tribu en tribu, on refuse de l'autorité de la tribu voisine. Enfin voilà. Et donc d'un chef commun. Ils ont tenté d'apporter des armes. Ça a été une catastrophe par sous-marin. Ça n'a pas du tout marché. Il y a eu une révolte en Algérie en 1916. Mais c'est une révolte contre la conscription. On a mis en place une conscription. On avait besoin d'hommes, évidemment, dans les tranchées. Donc il y avait un décret sur la conscription depuis 1912 qui prévoyait seulement 2500 hommes et avec des possibilités de remplacement. Si vous tirez un mauvais numéro, les riches peuvent choisir un pauvre à leur place. Bon, bref. Et à partir, on est revenu sur ce règlement et là, ça a provoqué des résistances, mais qui ont été brisées par la force, mais de façon terrible. Et après quoi, il n'y a plus du tout de troubles. Et puis, il y a eu la Libye, hein, la Cyrénaïque et la Tripolitaine qui venaient d'être conquises, en tout cas pour la côte, par les Italiens. Et la révolte avec l'étendard de l'islam, l'étendard vert, là, avec la confrérie des Senoussi, confrérie mystique, millénariste, là, ça a vraiment, vraiment fonctionné, puisque les Italiens n'ont plus contrôlé uniquement que la région de Tripoli. Ça a vraiment fonctionné, mais c'était une révolte, c'était une lutte nationale qui a profité de la guerre, de l'argent allemand, des armes allemandes, de l'encadrement des officiers ottomans. Et dès que cette révolte a voulu, cette rébellion contre l'autorité italienne, ou cette lutte nationale, a voulu s'étendre, soit vers le sud de la Tunisie, soit vers l'Égypte. Et bien alors là, ça a été la réaction française et la réaction britannique et ils ont été brisés. Donc finalement, il y a eu beaucoup de peur, c'est vrai, à Paris, à Londres, mais beaucoup de bruit pour rien. Ça n'a pas fonctionné. Les luttes et à chaque fois qu'il y a eu un soulèvement quelque part, c'était des luttes nationales. Alors que les puissances coloniales, eux, voyaient toujours la main de l'Allemagne. Ils étaient persuadés que c'était l'Allemagne. C'est la conception du musulman, de l'indigène, comme on disait à l'époque, incapable d'autonomie. Il est soumis à son calife, il est soumis à la religion, il est soumis à la propagande allemande. Les Allemands ont commis des erreurs d'appréciation évidentes en essayant et en obtenant d'ailleurs que le calife proclame la guerre sainte. Mais les Britanniques, eux aussi, ont œuvré en sous-main, mais du côté de l'Arabie. Comment voyait-on Lawrence, disons, en 1918-19, lorsqu'il est rentré en Angleterre? On le voyait vraiment comme le chevalier des sables à ce moment-là, parce qu'il y a eu cette légende forgée par Lowell Thomas, qui a fait un film d'ailleurs sur lui, qui est allé le filmer quand il était dans le désert, qui a fait un très très long film sur lui, un film muet, et qui a fait des conférences, qui a écrit des bouquins, tout à fait d'ailleurs à l'eau de rose. Et il y a eu alors cette incroyable légende Lawrence qui s'est développée à ce moment-là. Mais au fond, on ne savait pas qui c'était du tout. Mm-hmm. Et au début, Lawrence va utiliser les Arabes, ils lui font un moteur pour son action. Bon, il y a une révolte arabe qui est là, ça va très bien, il va l'utiliser, il va l'employer. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas prévue dans son système, c'est qu'il va s'attacher à ces Arabes. La dynastie hachémite, il va s'attacher aux membres de cette dynastie, à Faisal, à ces gens-là, et finalement, il va s'attacher à eux à tel point d'épouser leur thèse politique. Laurence d'Arabie, qui avait été évoqué par l'historien militaire suisse Jean-Jacques Langersdorff. Jean-Yves Le Naour, l'échec aussi, c'est parce que les Turcs, enfin l'Empire ottoman, n'ont pas pris en compte la diversité de ce monde musulman. Les Arabes d'Arabie, ceux avec qui discute Laurence d'Arabie, ne comprennent pas du tout cette guerre sainte, ils ont d'autres intérêts. Tout à fait. C'est là le plus grand échec du djihad. C'est que, à partir de juin 1916, le 10 juin 1916, le shérif de la Mecque, Hussein, appelle, finalement, il renverse la guerre sainte, mais contre les Turcs, qui seraient de mauvais musulmans, qui oppressent les Arabes. Et donc, on voit bien que, finalement, la nationalité, hein, le panarabisme, finalement, qui est en germe, est plus fort que le panislamisme, que la communauté nationale arabe est plus forte que la communauté religieuse. Et ça, les Turcs l'avaient pas vu venir, les Allemands ne l'avaient pas vu venir. Et ça, c'est la mort définitive du rêve de la subversion islamique. Et non seulement ils se soulèvent, mais ils sont soutenus, ils se rallient aux alliés. Hein. Bien évidemment, ils sont de l'or. On vient de parler de Laurence d'Arabie, qui lui croyait effectivement à ce royaume arabe, aux promesses qu'on avait faites à Hussein, un grand royaume arabe qui irait de la Syrie, l'Irak, jusqu'à Aden. Donc lui, il y croyait, mais en réalité, les Français et les Britanniques se partageaient déjà les restes de l'Empire ottoman, avant de l'avoir tué, avec les accords Sykes-Picot en mai 1916. C'est un échec, et c'est tant mieux d'ailleurs, cette guerre sainte proclamée en novembre 1914. Anne-Marie Aidé, dans cette réflexion sur la guerre sainte, que les Allemands aident à proclamer, il y a une incohérence de se dire, mais si la guerre sainte est proclamée, il faudrait tuer des chrétiens français, britanniques, mais pas les Allemands ou les Autrichiens. C'est très particulier. En fait, ça montre aussi la complexité de cette notion de guerre sainte que nous utilisons aujourd'hui très facilement. Il n'est pas possible de dire guerre sainte sans se positionner en regardant toujours qui lance la guerre sainte, pourquoi et à qui parle-t-il. Oui, d'ailleurs, effectivement, là, dans ce cas particulier, on peut se demander s'il s'agit encore de djihad. Ça pose en tout cas la question de savoir contre qui on peut lancer le djihad. Enfin, contre qui les traités juridiques, si on retourne à la source, autorisent de lancer le djihad. Et là, on retombe dans la complexité parce que les juristes eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Et ça a donné lieu à d'immenses de très nombreux débats. Peut-on lancer le djihad contre d'autres musulmans? Voilà, c'est la question que posait Jean-Yves Le Naour en parlant du combat contre les Ottomans. Peut-on lancer ce djihad contre d'autres musulmans? Certains disent non, d'autres disent oui. Lorsqu'il s'agit d'hérétiques, d'apostats, de rebelles, tout dépend après la définition que l'on donne à ces rebelles ou à ces hérétiques. Et tout dépend, encore une fois, de la position des différents courants de l'islam face à cette idée de peut-on lancer un djihad contre d'autres musulmans. Et les chiites en particulier avaient tendance à dire oui, à répondre oui à cette question, mais parmi les sunnites il y en avait aussi, notamment des chafiites qui appuyaient cette idée que l'on pouvait lancer le djihad contre d'autres musulmans si c'était des hérétiques ou des apostats. Merci vivement Anne-Marie Aidé de rappeler cette complexité. On ne peut pas parler de djihad comme ça, sans savoir de quoi l'on parle. C'est une histoire beaucoup plus longue et qui demande, eh bien, cette complexité qui fait défaut souvent dès qu'il est question de ces sujets. Anne-Marie Aidé, je rappelle, votre Saladin, pour un peu voyager de manière sereine. Et pareil, Jean-Yves Le Naour, je rappelle, djihad 14-18 chez Perrin, puis tous vos ouvrages sur la Première Guerre mondiale. Mais il est temps de retrouver Gérard Noiriel pour le pourquoi du comment dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le pourquoi du comme en économie, en sciences ou en philosophie, c'est en histoire. Et aujourd'hui, Gérard Noiriel et Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, de son doigt il danse, de son doigt il danse, de son doigt, doigt, doigt, de son doigt, doigt, doigt. Hey, un silence, Jean Petit. Peut-être avez-vous déjà fredonné cette comptine à vos enfants ou à vos petits-enfants? Il paraît que c'est une chanson idéale pour amuser bébé ou éveiller les petits. Mais savez-vous d'où elle vient? En fait, cette chanson, traduite de l'occitan, Johan Petit qui dansa, je m'excuse pour l'accent, rappelle le souvenir d'un chirurgien de Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron qui fut l'un des chefs de l'insurrection des croquants en 1643. En 1635, sous l'impulsion de Richelieu, Louis XIII s'est engagé dans la guerre de 30 ans, qui ravage l'Europe depuis 1618, aux côtés des puissances protestantes contre les Habsbourg. Pour financer cette guerre, le pouvoir royal décide une hausse faramineuse des impôts. Entre 1639 et 1643, les recettes fiscales de l'État royal sont multipliées par 6, ce qui provoque une multiplication du nombre des révoltes dans tout le royaume. En Rouergue, le sort des paysans est d'autant plus dramatique qu'à cette pression fiscale s'ajoutent des conditions climatiques très difficiles. Après plusieurs étés pourris, occasionnant de mauvaises récoltes, un hiver glacial, des inondations, la grêle et le bétail ravagés par une épidémie. En 1643, lorsqu'ils apprennent que l'imposition annuelle a plus que doublé par rapport aux années précédentes, les habitants de Villefranche de Rouergue se mobilisent sous l'impulsion de Jean Petit. Ils sont soutenus par les paysans des villages environnants que les chroniqueurs appellent les croquants. Ces derniers mettent en déroute les cavaliers du roi, puis prennent le contrôle de Villefranche. Petit obtient alors du sénéchal l'annulation de la taille pour 1643 dans tout le Rouergue. La révolte fait tache d'huile. La Haute-Auvergne, le Languedoc, les Cévennes, l'Albigeois, le Quercy, la Gascogne sont gagnés par l'agitation, rapporte un chroniqueur de l'époque. On parle de Petit jusqu'à Bayonne. Alerté, le cardinal Mazarin, qui a succédé à Richelieu comme principal ministre d'État, envoie des renforts pour mater la révolte populaire. Les leaders sont arrêtés et la justice royale, dirigée par l'intendant de Guyenne, rend son verdict. Ayant chacun un écriteau devant et derrière, dans lequel sera écrit en grosses lettres « Chef de sédition, révolte et rébellion », en chemise, tête et pieds nus, ayant la corde au cou, à genoux, et tenant une torche ardente du poids de 4 livres, ils feront publiquement amende honorable et ils demanderont à haute voix et par 3 fois pardon de leurs crimes à Dieu, au roi et à la justice, et seront en cet état menés à la place publique ou sur des échafauds. Ils seront rompus et brisés de divers coups sur leurs bras, cuisses, jambes et reins et exposés sur 2 roues. Jean Petit monte sans faiblir vers son instrument de supplice. Il est attaché à la roue, face au sol, jambes et bras écartés. Le bourreau lève une lourde barre de fer qu'il abat puissamment sur le membre dénudé du condamné. Puis il continue son œuvre, brisant mollet après mollet, cuisse après cuisse, poignet après poignet, doigt après doigt. C'est le souvenir de ce supplice qui sera transmis par la mémoire populaire dans une chanson qui est devenue, aujourd'hui, paradoxalement, une comptine pour enfants. Voilà un bon exemple pour expliquer comment le passé, même complètement déformé, peut survivre dans notre présent. De sa tête, de son épaule, de sa face et de son ventre, et de sa jambe et de son pied, et de son bras et de sa main, et de son doigt, de sa tête, son épaule, et sa face et son ventre, et sa jambe et son pied, et son bras et sa main, et son doigt. Un silence, petit Jean. Le cours de l'histoire qui danse avec Petit Jean. Le cours de l'histoire et le pourquoi du comment à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.